بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في شرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة on continue chers frères l'explication de عمدة الأحكام le كتاب الصلاة باب الجنائز on continue donc le chapitre de la prière le sous-chapitre lié à Al-Janaiz. Et donc on continue aujourd'hui le hadith de Ummu Atiya Al-Ansariya radiyallahu anha qui dit dakhala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré lorsque sa fille est morte. On a dit c'est quelle fille? Zainab. فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lavez-la, donc faites-lui le lavage mortuaire, trois fois ou cinq fois ou plus que cela si vous en voyez la nécessité. بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. Et donc lavez-la avec de l'eau et du cidre. Et mettez dans le dernier lavage, mettez du camphre ou mettez un peu de camphre. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالْ أَشْعِرْنَهَا أَشْعِرْنَهَا بِهِ عَفْوًا. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, lorsque vous aurez fini de la laver, alors faites-moi signe, faites-le moi savoir. Elle nous dit, Ummu Atiya, alors lorsqu'on a fini, on lui a fait savoir qu'on avait fini. Il nous a donc donné son izar et il nous a dit de lui mettre le izar. On a expliqué comment hier le fait de mettre le izar ici. Quelle était la particularité? Non. Directement sur sa peau. Mettez le izar directement sur sa peau. C'est-à-dire, c'est le premier vêtement que vous allez mettre sur elle. Dans une narration, il est cité, donc, Saban, lavez-la sept fois. Et dans une narration, il est cité, وَابْنَأْنَا بِمَيَمِنِهَا وَمَوَادِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. Et dans une narration, donc, il est cité, commencez par ses membres du côté droit et les membres utilisés pour les ablutions. Les membres utilisés pour les ablutions. Et ensuite il est dit wa anna umma atiya qalat wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Et nous avons fait trois nattes avec ses cheveux dans une narration qu'a dit donc qu'a cité Ummu Atiya. Fa fi hadha al hadith istihbab wad'i shay'in min as-sidr wal kafur fi al-ma' alladhi yusta'malu li ghasl al-mayyit. Et donc, il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de mettre du kefour, du cidre. Donc le kefour, on a cité donc dans le dernier lavage qu'on va faire aux morts. Et sinon, du cidre. Il est recommandé de mettre du cidre dans l'eau. Certains savants, ils nous disent, ils ont abordé le sujet, est-ce qu'on peut mettre du parfum à la place, etc. etc. Ils ont cité le fait que le kefour, le camphre, c'est un élément qui va raffermir le corps du mort et va permettre de retarder le fait que le corps va être mangé par les insectes, etc., etc. Et donc ils disent, à ce moment-là, le fait de remplacer le camphre par du parfum n'est pas correct, puisque le camphre, ce n'est pas juste une utilité de parfumer. Ce n'est pas que pour parfumer. Donc certains savants ont abordé ce sujet. طيب وهذا يدلنا على مسألة رأيناها سابقا في كتاب الطهارة. Cela, ce sujet-là nous amène à un autre sujet qu'on a vu précédemment, il y a un bon moment maintenant, ça fait peut-être un an. On l'avait vu concernant le sujet, concernant le chapitre de la purification. Le fait que tu mettes de l'eau, du cidre dans de l'eau. Est-ce que tu peux faire tes ablutions aujourd'hui? Je ramène un verre et je mets du thé dedans. Ou je mets du carwa. Est-ce que je peux faire mes ablutions avec? Hein? le prophète il nous a dit de laver sa fille avec de l'eau qui était mélangée avec du cidre. Donc, il faut réviser là, il faut retourner un an en arrière. La révision, elle est violente là. Barakallahu fik. Et donc là, il a bien dit bima inwa cidre, avec de l'eau et du cidre. C'est mélangé, mais l'eau a gardé son nom. Ça s'appelle toujours de l'eau. On avait vu, donc, إِذَا اخْتَلَطَ الْمَاءِ إِذَا خَالَطَ الْمَاءِ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَالْمَاءِ يَبْقَى عَلَى تُهُورِيَّتِهِ مَدَامَ لَمْ يُسْلَ بِسْمُهُ. On a vu que si il y a quelque chose de pur, de propre, qui est mélangé à l'eau, et que l'eau garde son nom, alors cette eau est toujours, il est toujours permis d'utiliser cette eau pour nous purifier. Cette eau reste toujours pure et purifiante. D'accord ? Tant que l'eau garde son nom. À partir du moment où l'eau ne garde plus son nom, on a changé le nom. Maintenant, ça s'appelle kahwa, du café, ou ça s'appelle du thé, ou ça s'appelle ce que tu veux. Le nom, il a changé. Tu ne peux plus l'utiliser pour tes ablutions. Si la couleur, elle a un peu changé, mais que c'est toujours de l'eau, oui, tu peux l'utiliser. Pourquoi ? Ici, avec le cidre, avec le kefour, on voit bien que la couleur de l'eau, elle change. On va me dire le goût. Le goût de l'eau, il change. D'accord ? Et donc, on fait attention à ça, à ce sujet. Barakallahu fikoum. On l'avait déjà vu. Donc, dans Kitab al-Tahara. Et dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Commencez par ses membres du côté droit et les membres utilisés pour les ablutions. Ikhtalafat al-ulama fi hadha al-amr. Les savants, ils ont divergé concernant les ablutions. Fekal al-jumhur bijawaz al-madmada ou bijawaz al-wudu ou al-madmada fima yata'allaq bil-mayyit. Al-jumhur, la majorité des savants, l'école malikite, shafi'ite, hanbalite, ils voient que le mort, on peut lui faire donc les ablutions et aussi al-madmada. C'est quoi al-madmada, Youssouf? Tu sais pas c'est quoi le madmada? Hein? Je sais pas comment traduire madmada en français. Franchement. Mais oui, obligé, tu connais le madmada. C'est quoi le madmada? Tu sais pas? Voilà. Et donc quand tu mets l'eau dans la bouche, quand tu fais tes ablutions, cet acte-là s'appelle el madmada. Va chercher la traduction, Inch'Allah, quand tu l'as, tu me donnes. Moi, je connais pas. Et donc, on a El Madmada. Est-ce qu'on fait El Madmada au mort ou pas? El Jumour, il voit que oui. El Ahnaf, yarawna anna al mayyit la yumadmad. El Ahnaf, il voit que non, on ne le fait pas au mort. Mais attention, qu'est-ce qui évolue ici lorsque El Jumour, ils nous disent qu'on lui fait El Madmada? C'est pas que tu prends de l'eau ou quoi que ce soit. Non, ils nous disent, ici, tu as la main humide que tu vas passer sur les lèvres. Certains vont nous dire, tu passes la main sur les lèvres, sur le nez aussi. Ou alors, certains vont nous dire, une khirqa, tu prends donc un tissu ou un torchon que tu peux mettre dans la bouche humide, frotter sur les dents. Voilà, pas plus. C'est pas que tu prends de l'eau et tu verses dans la bouche du mort. Attention. Et donc, à partir de là, est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce que c'est permis ou pas? L'avis le plus juste, c'est que oui, c'est permis. C'est-à-dire d'humidifier cette zone qui, à la base, fait partie des zones des ablutions. Cette zone, à la base, fait partie des zones des ablutions. Et donc, oui, c'est permis de le faire. La vie le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Tayyib, et dans la parole de Ummu Atiyya, lorsqu'elle nous dit « وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ كُرُونَ » Nous avons fait trois nattes avec ses cheveux. Ici aussi, il y a une divergence entre les ulémas. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِعَدَمِ جَوَازِ تَسْرِيحِ شَعْرِ الْمَيِّتِ. Il y a certains savants qui voient qu'il n'est pas permis de coiffer le mort. Et ces savants-là, c'est les savants de l'école Hanafit, el-Ahnaf. Il n'est pas permis de coiffer le mort. Et d'autres qui nous disent, نَعَمْ يَجُوزِ. Il est permis de coiffer le mort. طَيْبْ مَا هِيَ الْأَدِلَّةِ. Quelles sont les preuves? الَّذِي الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ يَسْتَدِلُونَ بِحَدِيثِ أُمِّ عَتِيَّةِ. Et donc c'est clair, ceux qui nous disent que c'est permis, ils se basent sur le hadith de Umm Atiyya. Al-Ahnaf, ils nous disent, لَوْ كُمْنَ بِذَلِكَ. تسبب ذلك في إسقاط شعرها. Si on fait cela sur la coiffe, cela va causer le fait que ses cheveux, les cheveux du mort, vont tomber. إذن الميت يسدل شعره. Et donc le mort, la femme morte, on va laisser ses cheveux tomber sur les côtés et derrière. Mais on ne va pas la coiffer. Pourquoi ? Pour éviter donc de perdre, qu'il y ait des cheveux qui tombent et qui soient perdus. فالجمهور أجاب عن ذلك قائلا بأنه جاء في الصحيحين من هذا الحديث حديث أم عتية أو أم عتية أنها قالت ومشطنا رأسها ثلاثة قرون. Elle dit et nous l'avons coiffé, مشط. Et donc nous l'avons coiffé et nous avons fait de ses cheveux trois nattes. Et donc ils nous disent فالميتة تمشط تَمْشِيطًا خَفِيفًا. Et donc, on va coiffer la femme qui est morte, mais de façon douce, pas brutalement, mais de façon douce. وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا يُجْعَلُ فِي الْكَفَنِ. Et les cheveux qui tombent, on les place dans le kafan. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal ici. D'accord ? Et donc, on fait bien attention à ça. بَارَكَ fikum. وفي الحديث جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans le hadith le fait qu'il est permis de rechercher la bénédiction dans le donc ce le certains savants vont nous dire il y a aussi la salive du prophète صلى الله عليه وسلم, le corps du prophète صلى الله عليه وسلم, mais tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a porté, ses affaires. On peut chercher la bénédiction du prophète صلى الله عليه وسلم dans ses vêtements, dans ses objets qu'il a portés, sa salive, l'eau avec laquelle il a fait ses ablutions, etc. Et donc ça, c'est permis. Les compagnons, ils l'ont fait. Il y a plusieurs hadiths qui montrent que cela est licite. Taïb, S-Sou-El. Le cheikh Al-Alam Al-Najmi, rahimahullah, il nous dit « هل يجوز التبرك بغيره » Est-il permis de rechercher la bénédiction par une autre cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les créatures? A-t-il permis de rechercher la bénédiction chez ton cheikh, hein, chez tel mort, fulani, sidi fulan ou autre? Alors il nous dit, le cheikh Najmi, el-Jawab, la yajuzu tabarruku bighayrihi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis de rechercher la bénédiction par autre que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Li'annahu law kana jaizan لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيرهم بعده. Car si cela était permis, ses compagnons رضي الله عنهم, ils l'auraient fait avec les meilleurs d'entre eux. وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Et donc ses meilleurs compagnons qui sont Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Et donc des compagnons, ils l'auraient fait avec ces gens-là. ولفعله التابعون bi ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la génération d'après, les tabi'un, ceux qui sont venus après les compagnons, ils l'auraient fait avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakinnahum lam yaf'alu dhalik ma'a ahadin min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ils n'ont fait cela avec aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فدل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. Il nous dit donc cela montre que ceci est spécifique et propre au prophète صلى الله عليه وسلم. وذلك اجماع منهم انتهى. Et ceci est une unanimité de ces deux générations. La génération donc des compagnons et des tabi'un. Ils sont unanimes sur cela. Fin de citation. Et donc, les frères, cela est interdit. Toutes les personnes qui vont chercher la baraka, chez Cheikh Foulen, Cheikh Intel, etc., etc., tout le shirk qu'on voit à côté des tombes, hein, tout cela, donc, c'est une cause. Tout cela est une conséquence de cette négligence qu'il y a eu concernant et tabarouk. Cette négligence qu'il y a eu concernant la recherche de la bénédiction. Et donc, il est important, chers frères, qu'on comprenne ce sujet et qu'on ne tombe pas dans ces actes gravissimes, qu'on ne tombe pas dans le polythéisme, Barakallahu fikoum. Et on arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, on continue l'explication de Umdat al-Ahkam. Wa ghadan, demain, tafsir bi'idhnillahi ta'ala, surat al-Ma'un. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu ma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.